Chapitre 11e, Le Revenant. Depuis le départ de Violaine, l'hôtel de Mauvilliers était plongé dans une sorte de stupeur. On ne voyait plus Christine, qui ne sortait pas de son oratoire où elle passait ses journées et une partie de ses nuits, agenouillée sur son prie-Dieu, et en un tel état de prostration qu'on ne savait si elle priait ou si elle dormait. Le sire de Mauvilliers, enfermé dans son cabinet, travaillait avec un acharnement incroyable. Les domestiques circulaient sans bruit, comme des ombres, dans le logis silencieux. On eût dit que la mort venait de passer là. Urbain de Mauvilliers était sombre et triste. Chaque matin, il allait faire ses dévotions à l'église. Cet homme froid et distant semblait alors s'animer devant l'autel où il priait à genoux. Peut-être croyait-il alors à Dieu, puisqu'il lui demandait sa fille. En revenant de sa prière, ce matin-là, il ne remarqua pas qu'un homme le suivait. Cet homme, caché derrière un pilier, l'avait attendu. C'était un mendiant qui boitait. Mais sa boiterie, quoique non simulée, ne l'empêcha pas de gagner sur le lieutenant-gouverneur, de l'atteindre, de le dépasser. Alors, il revint sur ses pas et lui remit une lettre, sans maudire. Puis, tandis que Mauvilliers regardait la suscription du billet, l'homme disparut au tournant d'une ruelle. Urbain, ouvrant le pli qui était remis de si étrange façon, courut à la signature. « Lui, s'écria-t-il, Pierre de Trailles ? » Et après un silence, « Il n'est donc pas mort ?» À mesure qu'il lisait, un sourire cruel s'épanouissait sur ses lèvres. « J'y serai, » murmura-t-il, « j'y serai à ton rendez-vous. » Le lieutenant-gouverneur rentra au palais. À peine était-il dans son cabinet de travail, qu'un garde de la prison se faisait introduire et bredouillait, effaré. « Monseigneur !» Plusieurs hommes se sont glissés la nuit dernière dans le donjon, ont ligoté, bâillonné tous les geôliers et ont fait évader un prisonnier. Lequel ? Le chevalier de Pont-Réal. Mauvilliers blêmit. « Pont-Réal ? » rugit-il. « Qu'on le poursuive, prévenez le prévôt, le guet, qu'on le rattrape mort ou vif. Je ferai pendre les geôliers, à enfer. Il me faut cet homme, coûte que coûte. » Le garde, épouvanté par cette colère, s'éclipsa, tandis que le sire, tout frémissant de rage, faisait prévenir la prébauté et donnait immédiatement les ordres nécessaires pour rechercher le fugitif. On comprend que l'annonce de cette évasion ait bouleversé le lieutenant-gouverneur. Il avait hâté le procès de Pont-Réal et échafaudé contre le jeune homme la plus monstrueuse accusation étayée de preuves factices et de témoignages mensongers. Presque infailliblement, le prétendu faux monnayeur eût été condamné à mort, et Urbain comptait bien, en une semaine, être à jamais débarrassé de Hervé. Son plan échouait. Il s'affaira tout le jour en voyant 20 fois la prévôté demander des nouvelles du disparu. Chaque fois, il recevait la même réponse négative. Quant à Belcoeur et ses amis, Urbain avait donné l'ordre de les faire étroitement surveiller et de rechercher quel avait pu être leur rôle dans la fuite de Pont-Réal. Mauvilliers eut un instant la pensée de faire arrêter et incarcérer les gentilshommes. Mais il réfléchit que ce serait dangereux. Les 3 amis étaient seigneurs d'importance, des féaux du roi de Navarre. D'autre part, des gens ayant sûrement préparé et exécuté l'évasion d'Hervé devaient savoir où ils se trouvaient cachés actuellement. En espionnant leurs allées venues, nul doute que l'on ne finit par retrouver la piste du fugitif. Ce fut en ce sens qu'Urbain donna des ordres à la prévôté de Toulouse, et le soir vint, n'amenant guère de calme dans l'esprit de Mauvilliers. Vers 9 heures, il fit des préparatifs pour une sortie nocturne, revêtit un ample manteau sombre et quitta subrepticement son hôtel par la poterne du jardin. À pied, par des rues désertes, il sortit de la ville et prit le chemin menant au cimetière. Il était environ 10 heures lorsqu'il parvint à ce champ d'asile dont nul ne s'approchait dès la chute du jour. L'obscurité était épaisse, pas trop cependant pour qu'on ne distinguât, par-dessus le mur, les croix de pierre blanche et les cyprès noirs semblant pleurer dans leur feuillage. Le silence n'était troublé que par le vol ouaté de quelques oiseaux de nuit. Mauvilliers contourna la muraille. À l'angle, il aperçut une silhouette immobile. « Pierre » appela-t-il à mi-voix. « Urbain, c'est vous » répondit-on aussitôt. Et l'ombre se dirigea rapidement vers Mauvilliers. Quelques instants après, ce dernier abordait un homme de haute taille, grisonnant, mais d'aspect élégant et peu commun. Cet homme pressa Urbain dans ses bras en disant « Merci, mon ami, d'avoir si tôt répondu à mon appel. Je savais bien que votre vieille affection ne me ferait pas défaut à moi, le proscrit, le huguenot pourchassé et maudit. Mais comment allez-vous, mon bon Mauvilliers ? Pas mal, je vieillis seulement. Et vous, mon cher de Trailles ? Je vous trouve maigri, fatigué. Ah, certes, je parais bien plus âgé que vous, n'est-ce pas, Urbain ? Quoique je sois de 2 ans votre cadet, la vie que j'ai menée m'a prématurément usé. Oui, murmura Urbain. Et puis 20 années changent un homme. Que faisiez-vous ? Je vous ai cru mort, devant un si long silence. J'ai failli 100 fois mourir, en effet. Je ne parle pas de péril que j'ai couru ici, lorsqu'il y a eu le contre-coup de la Saint-Barthélemy. J'ai été traqué, alors comme une bête, mais Dieu merci, j'ai su me défendre. J'ai tué 12 de mes ennemis, et c'est pour cela que je compte en de haine à Toulouse. Oui, je sais, mais l'on vous croit mort. N'empêche, j'ai préféré être prudent. Ah, je ne suis plus le cœur aventureux de jadis. J'ai tant souffert, expatrié. D'où venez-vous ? De l'Angleterre. Je vais partir en Helvétie, où j'espère vivre paisiblement mes dernières années d'existence. L'or et les bijoux que je vous ai confiés me le permettront. Oui, vous devez en avoir besoin, mon pauvre Pierre, répondit Mauvilliers avec un accent de compassion. Pendant que de Trailles parlait, Urbain l'avait entraîné en marchant lentement jusqu'au coin du cimetière le plus éloigné de la route. Il s'arrêta et parut chercher quelque chose sous son ample manteau. Pierre s'y trompa et dit « Ah, vous apportez la cassette ?»« Oui. » Et brusquement « Qui va là ? Entendez-vous ? Quoi donc ? Où cela ? Baissez-vous ! » Instinctivement, de Trailles obéit et se courba contre la muraille, tournant le dos à Mauvilliers. Au même instant, il poussa un cri sourd et s'affaissa sur le sol. Urbain venait de lui enfoncer un poignard au défaut de l'épaule. Gisant à terre, Pierre de Trailles ne bougeait plus, mort du coup sans doute. Urbain se pencha, examina le corps et se redressa. « Bah ! » ricana-t-il. « Pourquoi aller en Suisse, mon ami ? Reste ici. Tu es tout porté à ta dernière demeure. » Et il s'éloigna en murmurant. « Demain, on retrouvera ici le corps du comte de Trailles. Et l'on pensera qu'il était victime de la haine fanatique d'un de ses vieux ennemis. Qui songerait à me soupçonner ? Et je pourrais garder tranquillement l'or et les bijoux de ce pauvre Pierre. Je m'y étais habitué. »